pourquoi tu ne parles pas. Chaque fois, on fait toujours semblant que c'est lui d'aujourd'hui. Tu le sais qu'il m'ennuie. C'est pour toi que mon cœur est loin. Aimez-moi, aimez-moi, j'ai déposé les armes. Je suis tellement fou de toi, je te vois encore une fois. J'ai besoin de toi, tout le reste non m'importe pas. Je veux jouer avec toi, toucher ta bouche, ta peau, tes bras. Reste là, non ne bouge pas, près de moi, encore une fois seulement. Sans toi, ça n'a plus d'importance, mes mains qui courent, mon cœur qui danse. Je ne cherche pas loin de toi.